n'en est-il pas? Pour l'hiver, il fait fort doux. Tout ce washi washa. Alors je paye au corneille. Cause toujours moi, j'ai sommeil. Pas tout rien d'autre à se dire. Pour réveiller le désir. Gentil, qui m'aime et me laisse.